Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Deuxième partie, deuxième chapitre, de la fausse dévotion envers Marie. Il se rencontre de temps en temps des hommes, dont l'industrie consiste à fabriquer de fausses monnaies, qu'ils mettent adroitement en circulation et avec lesquelles ils parviennent à tromper bien des gens. Plus à Dieu que cette erreur n'eut lieu que dans les choses temporelles, car, après tout, la perte serait légère. Mais ce qui est plus déplorable, c'est qu'il se trouve aussi de ces faux monnayeurs dans l'ordre spirituel. L'ennemi du genre humain est un insigne faussaire qui réussit par ce moyen à tromper un grand nombre de personnes, et à les jeter dans l'illusion, en leur faisant croire qu'ils sont véritablement riches, qu'ils possèdent des trésors considérables, tandis qu'ils n'ont en main que des pièces falsifiées. Il parvient ainsi à les tenir, durant cette vie, endormis dans une fausse sécurité, attendant pour les tirer de leur léthargie le moment fatal de la mort, où ils seront contraints, mais trop tard, de reconnaître leur misère et leur nudité. Et comme les faux monnayeurs ont surtout intérêt de contrefaire les monnaies du plus haut prix, c'est aussi ce que fait l'infernal ennemi. Il sait bien quel trésor nous possédons dans la dévotion à Marie, il sait la valeur qui attache les vrais fidèles, il sait que celui qui possède cette perle précieuse est sûr d'acquérir le royaume des cieux. Aussi fait-il tous ses efforts pour la contrefaire, afin de faire croire à plusieurs qu'ils peuvent se reposer sur leur dévotion envers la Sainte Vierge, tandis qu'en réalité il mérite un tout autre titre que celui de serviteur de Marie. Soyons donc vigilants, ayons les yeux constamment ouverts pour ne pas tomber dans une méprise aussi funeste. Je suis persuadé qu'ayant reconnu combien est estimable la dévotion à Marie, nous avons désiré la posséder. Attention donc, c'est ici que sont tendus les filets de l'ennemi. Maintenant plus que jamais il travaille à notre perte, il travestit cette dévotion même, il nous la fait apparaître tout autre qu'elle n'est en réalité. Il vous dira que, pour être de vrais serviteurs de Marie, la seule condition requise est de réciter quelques Ave Maria, ou de visiter quelque image de la Sainte Vierge, etc. qu'avec cela vous pouvez être sûr de sa protection. Quoique vous soyez plongé dans les plus profonds abîmes du vice et que non seulement vous ne songiez pas à vous corriger, mais que vous soyez endurci dans le crime, ou du moins que vous comptiez tout au plus vous corriger dans votre vieillesse, et mourir en chrétien, après avoir vécu en athée, pour couronner ainsi une vie criminelle par une sainte mort. Mon cher frère, il importe que vous vous détrompiez à cet égard. Ce ne serait pas là une dévotion véritable, mais fausse, mais dangereuse même, parce qu'elle ne serait bonne qu'à vous endormir dans le vice, à vous endurcir dans le péché. Entendez-le bien, je vous en prie, la dévotion envers Marie ne peut s'allier avec la volonté de persévérer dans le crime, ni avec la disposition de continuer à offenser Dieu jusqu'à la mort, ou jusqu'à l'époque de la vieillesse. Cette volonté obstinée dans le péché est diamétralement opposée à la notion exacte de la dévotion. Qu'est-ce que la dévotion? Ce n'est autre chose qu'une volonté prompte de faire ce que plaît à la personne, dont nous faisons profession d'être les serviteurs dévoués. Mais dans le cas dont nous parlons, vous n'avez pas la volonté de faire ce que plaît à Marie, vous voulez au contraire continuer à faire ce que lui déplaît souverainement, parce que vous voulez continuer à offenser Dieu. Donc, mon frère, il faut, ou que vous renonciez à la qualité de serviteur de la Sainte Vierge, ou que vous déposiez la volonté de pécher à l'avenir. Marie est la mère, Elle est le refuge, elle est l'avocate des pauvres pécheurs, c'est vrai, mais des pécheurs qui désirent se convertir. Marie, secourez le peuple, les pauvres pécheurs, qui désirent se relever de leur état. C'est ainsi que l'Église s'adresse dans ses prières à la très sainte Vierge. Mais pour vous, mon frère, si vous ne voulez pas vous corriger de vos mauvaises habitudes, si vous vous obstinez de plus en plus dans le péché, que pouvez-vous attendre? Je me bornerai à vous dire que vous n'avez pas assez de fondement pour compter sur la protection de Marie, que vos pratiques purement extérieures, quoique bonnes en soi, ne suffisent pas pour vous assurer en quelque manière son secours tout-puissant. Vous direz peut-être, si ces pratiques extérieures de dévotion ne servent de rien, tant qu'on ne change de vie, mieux vaudrait donc les abandonner entièrement. Ainsi à quoi bon réciter le rosaire, jeûner le samedi, et pratiquer d'autres œuvres semblables? Pourrait-on tirer une plus folle conséquence? Il ne peut exister de vraie dévotion envers Marie conjointement avec une volonté obstinée dans le crime. Donc, afin de ne pas changer la volonté, il faut renoncer à tout ce qu'on faisait en l'honneur de Marie? Nullement, mais il faut abandonner le péché, il faut changer la volonté, voilà la conclusion légitime. Est-il possible que le péché étant d'empire sur votre cœur que vous aimiez mieux renoncer à la qualité d'enfant de Marie, qu'à l'esclavage du démon? Qu'il n'en soit pas ainsi, mon frère, abjurons le péché, mais ne renonçons pas à Marie. Déposons toute affection au péché, prenons la résolution de changer de vie avec le secours de Dieu et la protection de la très sainte Vierge, et alors elle ne nous refusera pas pour ses véritables serviteurs. Sommes-nous disposés à le faire? Ah, faisons-le par amour pour Dieu, par amour aussi pour l'aimable mère qui attend de nous ce retour avec anxiété. Oui, ô mère tendre des pauvres pécheurs, refuge des misérables, défense des faibles, secours et espérance de tous les hommes. Nous voulons nous confier en vous avec fondement, nous formons donc la résolution d'être à l'avenir vos enfants, et comme on ne peut être tels en conservant la volonté de pécher, voici que nous la déposons à vos pieds. Nous formons en votre présence la résolution ferme de nous garder à l'avenir de toute offense contre votre divin Fils. Nous prenons des résolutions, mais bientôt nous retombons dans l'ancien train de vie. Nous laissons donc entre vos mains le bon propos que nous formons aujourd'hui. C'est à vous de songer à nous obtenir la force nécessaire que nous y soyons fidèles. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.